Exercice 8, page 136. Virlang. Tu viens bien le voir bientôt? Tu viens bien le voir bientôt? Tu viens bien le voir bientôt?